Dans le château du comte de Gloucester, entre Edmond, un de ses fils, une lettre à la main. Nature, tu es ma déesse. C'est à ta loi que sont voués mes services. Pourquoi subirais-je le fléau de la coutume et permettrais-je à la subtilité des nations de me déshériter sous prétexte que je suis venu 12 ou 14 lunes plus tard que mon frère? Bâtard. Pourquoi? Ignoble. Pourquoi? Est-ce que je n'ai pas la taille aussi bien prise, l'âme aussi généreuse, les traits aussi réguliers que la progéniture d'une honnête madame? Pourquoi nous jeter à la face l'ignominie et la bâtardise? Ignoble, ignoble, ignoble. Nous, qui dans la furtive impétuosité de la nature, puisons plus de vigueur et de fougue que n'en exige, en un lit maussade, insipide et épuisé, la procréation de toute une tribu d'amorés engendrée entre le sommeil et le réveil. Ainsi donc, Edgar, le légitime, il faut que j'aie votre patrimoine. L'amour de notre père appartient au bâtard Edmond, aussi bien qu'au fils légitime. Le beau mot, légitime. Soit, mon légitime, si cette lettre agit et si mon idée réussit, Edmond, l'ignoble, primera Edgar, légitime. Je grandis, je prospère. Allons, Dieu, tenez pour les bâtards. Entre le père Gloucester. Kent bannit ainsi. Le français se lagnant furieux, et le roi partit ce soir même, renonçant à son pouvoir et réduit à une pension. Tout cela coup sur coup. Edmond, eh bien, quelle nouvelle? Edmond feignant de cacher la lettre. Aucune, n'en déplaise à votre seigneurie. Pourquoi êtes-vous si pressé de serrer cette lettre? Je ne sais aucune nouvelle, monseigneur. Quel papier lisiez-vous là? Ce n'est rien, monseigneur. Vraiment? Pourquoi donc alors cette terrible promptitude à l'empocher? Ce qui n'est rien n'a pas besoin de se cacher ainsi. Faites voir. Allons, si ce n'est rien, je n'aurai pas besoin de bésicle. Je vous supplie, monsieur, de me pardonner. C'est une lettre de mon frère que je n'ai pas lue en entier. Mais, d'après ce que j'en connais, je ne la crois pas faite pour être mise sous vos yeux. Donnez-moi cette lettre, monsieur. Je ferai mal que je la détienne ou que je la donne. Le contenu, d'après le peu que j'ai compris, est blâmable. Voyons, voyons. J'espère, pour la justification de mon frère, qu'il n'a écrit cela que pour éprouver ou tâter ma vertu. Il remet la lettre au comte. Gloucester lisant. Ce respect convenu pour la vieillesse nous fait une vie amère de nos plus belles années. Il nous prive de notre fortune jusqu'à ce que l'âge nous empêche d'en jouir. Je commence à trouver une servitude lâche et niaise dans cette suggestion à une tyrannie sénile qui gouverne, non parce qu'elle est puissante, mais parce qu'elle est tolérée. Venez me voir, que je puisse vous en dire davantage. Si notre père pouvait dormir jusqu'à ce que je l'eusse éveillé, vous posséderiez pour toujours la moitié de son revenu, et vous vivriez le bien-aimé de votre frère. Edgar. Une conspiration? Vous pouvez dormir jusqu'à ce que je l'eusse éveillé, vous posséderiez la moitié de son revenu. Mon fils, Edgar. Sa main a-t-elle pu écrire ceci? Son cœur, son cerveau le concevoir? Quand cette lettre vous est-elle parvenue? Qui l'a apportée? Elle ne m'a pas été apportée, monseigneur. Et voilà l'artifice. Je l'ai trouvé jeté sur la fenêtre de mon cabinet. Vous reconnaissez cet écrit pour être de votre frère? Si la teneur en était bonne, monseigneur, j'oserais jurer que oui, mais puisqu'elle est telle, je voudrais me figurer que non. C'est de lui. C'est de sa mère, monseigneur, mais j'espère que son cœur n'y est pour rien. Est-ce qu'il ne vous a jamais sondé sur ce sujet? Jamais, monseigneur. Mais si j'ai souvent entendu maintenir que, quand les fils sont dans la force de l'âge et les pères sur le déclin, le père devrait être comme le pupille du fils et le fils administrer les biens du père. Oh, scélérat, scélérat, l'idée même de sa lettre, scélérat abhorré, dénaturé, odieux, « misérable brute, pire que la brute. Allez le chercher, mon cher. Je vais l'arrêter. »« Abominable scélérat, où est-il ? » ?»« Je ne sais au juste, monseigneur. Si vous voulez bien suspendre votre indignation contre mon frère, jusqu'à ce que vous puissiez tirer de lui des informations plus certaines sur ses intentions, vous suivrez une marche plus sûre. Si au contraire, vous méprenant sur ses desseins, vous procédez violemment contre lui, vous ferez une large brèche à votre honneur et vous ruinerez son obéissance ébranlée jusqu'au cœur. » J'oserais gager ma tête qu'il a écrit ceci uniquement pour éprouver mon affection envers votre seigneurie, et sans aucune intention menaçante. Le croyez-vous ? Je vais le chercher, monsieur, de ce pas. Je mènerai l'affaire aussi habilement que je pourrai, et je vous tiendrai au courant. Ces dernières éclipses de soleil et de lune ne nous présagent rien de bon. La sagesse naturelle a beau les expliquer d'une manière ou d'autre, la nature n'en est pas moins bouleversée par leurs effets inévitables. L'amour se refroidit, l'amitié se détend, les frères se divisent. Émeutes dans les cités, discorde dans les campagnes, dans les palais, trahison, rupture de tout lien entre le père et le fils. Ce misérable, né de moi, justifie la prédiction. Voilà le fils contre le père. Le roi se dérobe au penchant de la nature. Voilà le père contre l'enfant. Nous avons vu les meilleurs de nos jours. Machination, perfidie, guet-apens, tous les désordres les plus sinistres nous harcèlent jusqu'à nos tombes. Trouve ce misérable, Edmond. Tu n'y perdras rien. Fais la chose avec précaution. Et le noble, le loyal Quint, banni. Son crime ? L'honnêteté. Étrange, étrange. Il sort. C'est bien là l'excellente fatuité des hommes. Quand notre fortune est malade, souvent, par suite et des excès de notre propre conduite, nous faisons responsables de nos désastres, le soleil, la lune et les étoiles. Comme si nous étions scélérats, par nécessité. Imbéciles, par compulsion céleste. Fourbes, voleurs et traîtres, par la prédominance des sphères. Ivrognes, menteurs et adultères, par obéissance forcée à l'influence planétaire. Et coupables en tout, par violence divine. Abominable subterfuge de l'homme putassier, mettre ses esseins de bouc à la charge des étoiles. Mon père s'est conjoint avec ma mère sous la queue du dragon, et la grande ourse a présidé à ma nativité, d'où il s'ensuit que je suis brutal et paillard. Bah, j'aurais été ce que je suis quand la plus virginale étoile du firmament aurait cligné sur ma bâtardise. Edgar. Entre Edgar. Il arrive à point, comme la catastrophe de la vieille comédie. Mon rôle, à moi, est une sombre mélancolie, accompagnée de soupirs. Oh, ces éclipses présagent toutes ces divisions. Fa, sol, la, mi. Eh bien, frère Edmond, dans quelle sérieuse méditation êtes-vous donc ? Je réfléchis, frère, à une prédiction que j'ai lue l'autre jour sur ce qui doit suivre ces éclipses. Est-ce que vous vous occupez de ça ? Les effets qu'elle énumère ne se manifestent, je vous jure, que trop, malheureusement. Discorde contre nature, entre l'enfant et le père, mort, disette, dissolution d'amitiés anciennes, division dans l'État, menaces et malédictions contre le roi et les nobles, dissidence sans motif, proscription d'amis, dispersion de cohortes, infidélité conjugale, et je ne sais quoi. Depuis quand êtes-vous adepte de l'astronomie ? Allons, allons, Edgar, quand avez-vous quitté mon père ? Eh bien, hier soir. Lui avez-vous parlé ? Oui. 2 heures durant. Vous êtes-vous séparés en bons termes ? Ne vous a-t-il manifesté aucun déplaisir, soit dans ses paroles, soit dans sa contenance ? Aucun. Demandez-vous en quoi vous pouvez l'avoir offensé. Et je vous en supplie, évitez sa présence, jusqu'à ce que la vivacité de son déplaisir ait eu le temps de s'apaiser. En ce moment, il est à ce point exaspéré que la destruction de votre personne pourrait à peine le calmer. Quelque scélérat m'aura fait tort auprès de lui. C'est ce que je crains, Edgar. Je vous en prie, gardez une patiente réserve jusqu'à ce que la violence de sa rage se soit modérée. Écoutez, retirez-vous chez moi, dans mon logement. De là, je vous mettrai à même d'entendre parler Mylord. Allez, je vous prie, voici ma clé. Pour peu que vous vous hasardiez dehors, marchez armé. Armé, frère ? Frère, je vous conseille pour le mieux, marchez armé. Je ne suis pas un honnête homme, s'il est vrai qu'on vous veuille du bien. Je ne vous ai dit que très faiblement ce que j'ai vu et entendu. Rien qui puisse vous donner idée de l'horrible réalité. Je vous en prie, Edgar, partez. Aurai-je bientôt de vos nouvelles ? Je suis tout à votre service en cette affaire. Edgar sort. Un père crédule, un noble frère dont la nature est si éloignée de faire le mal qu'il ne le soupçonne même pas. Comme sa folle honnêteté est aisément dressée par mes artifices. Je vois l'affaire, que je dois mon patrimoine à mon esprit, sinon à ma naissance. Tout moyen m'est bon, qui peut servir à mon but. »